Le fait de le voir, ça fait que ça se déclenche pas. C'est comme quand il y a certaines choses, tu les observes, ça les empêche de. C'est parce que c'est des choses qui fonctionnent dans l'ombre. OK, C'est un peu autrement dit, ça. la vision permet, en termes de dévoilement de qu'est-ce qui est occulte, de déconstruire les formes qui pouvaient t'assujettir jusqu'alors. Ouais, mais là, il faut que tu le voyes en temps réel, puis que tu sois en observation multidimensionnelle, en dehors du psychologique, d'une façon active. C'est-à-dire que faut que tu sois dans une partie objective, ce qu'on pourrait appeler le surmental. Quand il y a ça de développer, cet espace objectif-là, de cet espace objectif-là, tu peux observer ta subjectivité enregistrée dans ton âme. Donc, à mesure que tu es dans cet état-là d'observation très, très centré, très centrique, ben, les vieux patterns, ils s'enclencheront pas parce que tu veux pas qu'ils s'enclenchent. Parce que juste par ta vue, parce que c'est des choses qui se sont construites dans l'ombre de ton inconscience égoïque passée, puis ça s'est enregistré inconsciemment dans l'âme. Donc, c'est par une conscience intégrale que tu défais les vieux patterns, mais c'est là que tu deviens, t'es ton propre programmateur un petit peu, ça commence, parce que tu vois que c'est des programmes, c'est vraiment des programmes, c'est mécanique, c'est de la mémoire. C'est lié à des formes qui drainent de l'énergie, puis ça passe par l'émotivité, puis c'est polarisé, puis il y a les lois magnétiques de l'âme là-dedans, puis tout. Puis une fois que tu te rends compte que c'est pas juste des images, que c'est vraiment, il y a vraiment, c'est il y a une, c'est effectif, tu sais, dans le sens que tu peux être, tu peux le constater empiriquement par l'observation, puis la répétition d'expériences avec ces mécanismes-là. Mais là, ça commence. Mais là, ça devient. Ça, c'est dur parce que tu te rends compte que toute ton identité, c'est de la merde. Tout ce que tu t'appelais toi, tout ce que. Ça, c'est tout. C'est pas réel. Tu te pars prendre compte à quel point t'es pas intelligent. Ça veut dire qu'on est en train de devenir intelligent. Sans se rendre compte à quel point j'ai été vraiment un imbécile toute ma vie. Puis tu te rends compte que là, tu commences à être un.